C'est la nuit. Pierre est couché mais ne dort pas. Il a pensé à son ami, à son père, mais la silhouette diffuse qui se refuse à lui, celle de Toussaint, le préoccupe toujours. Dans son rêve éveillé, il approche de l'homme assis qui lui tourne le dos, recroquevillé sur sa chaise et qui en dépasse à peine, serré tout contre le foyer d'un maigre feu qui fume plus qu'il ne brûle. Il s'en approche à le toucher et lui pose doucement la main sur l'épaule. Un froid glacial le saisit, remonte le long de son bras et le fait trembler à tel point que sa main en serre violemment l'épaule qui se désagrège aussitôt sous la pression et s'éparpille en nuées de miettes cendrées. Pierre se lève soudain. Rêve-t-il? Dort-il? Il ne sait plus. Les pieds nus sur le sol glacé, il laisse la sensation du froid le ramener à lui-même. Les pieds n'y suffisent pas. Il s'appuie de tout son corps contre le mur froid et se laisse longtemps gagner par cette sensation violente qui le tient toujours éveillé.